Avant, ça s'appelait François Villon. Maintenant, c'est... Bref, le 14 juillet, le lycée CAP, club d'apprentis des putes, Abdelhakim, mon grand frère aîné, arrête d'appeler le poste de soins. Le poste de soins, il n'y est pour rien. Marre de vœux, tactique, à Babtou, frère Adèle, qui vient tous les dimanches, avant 18h, signé Caroui, dimanche à 15h ou à 16h30, carrément avec ça là. Déjà 1-2-1-2. Ouais. Parle pour toi. Occupe-toi de ton cul, de ton cas. Je te dis qu'une fois. Sans moi, t'es mort. Mange tes morts. Et fais une soupe avec. Quelconque. Le billet vert. Le billet de 500. C'est fini. Il faut aller à la Banque de France. Mais la Banque de France, impossible. Terrible même. Et 20 euros. Et en 2 kilos. Tout le monde est d'accord, mais les kilos, ils rentrent. Maintenant, je vais laisser la parole à Dodo. Pour les intimes, Dominique, qui nique la société. Ouais, bravo. La parole à Dominique. On commence avec les poètes, Mohamed, les prophètes, les poètes, les remèdes. Et vous voulez qu'il n'y ait pas Dominique ? Dominique, tu peux enchaîner là. Il y a 5 micros autour. Donc il suffit juste de se partager à deux personnes. Enchaîner. Enchaîner quoi ? Je tiens moi. Tac, me voilà. Je te mets dit quand tu enlèves les effets. Hein. Je mets les effets quand tu fais du bruit, sinon je les enlève. Vas-y. Gamin. Oh, je vais te dire une bonne chose, mon petit gars, t'es pas un gamin. Ouais, excellent. Dominique, c'est lui qui fait l'habillage sonore de chaque émission. Oui. Les pattes, oui, mais les cœurs, oui. Panzani. Monseigneur, ce n'est sur quelques pattes, oui, mais des Panzani. Tu es drôle. J'ai un souffle au cœur. Bon, alors, de quoi on va parler? On va passer un paquet de magots. Magali, à ma place, un paquet de magots. Magali, tu veux parler de quoi? Oui, moi, je voulais parler. D'abord, pour revenir sur William S. Burroughs, je voulais juste passer un son où il a fait avec. C'était en 2000 par là avec un groupe de rap. Donc en 2000, il avait déjà presque 80 ans. Il est mort peu de temps après à 83 ans. Donc je voulais passer ça. Et puis ensuite, je voulais lire quelques courts poèmes qui font trois phrases, des haïkus réalisés par Jacques Kerouac, donc qui s'inspire des poèmes japonais en trois vers composés de 17 syllabes. Mais Jacques Kerouac, bon, on connaît, il fait plutôt de la poésie en prose, donc il n'a pas respecté le nombre de syllabes. Mais c'est intéressant parce que c'est des phrases courtes et c'est une forme de poésie. Donc voilà, j'ai plusieurs exemples, je les lirai tout à l'heure. Excellent, Magali fait la chronique Beatnik Generation, poésie, les catapes, le folding, toutes les techniques de poésie qui sont un peu, eux, inventées et que tous les poètes aujourd'hui, même pas seulement les poètes, hein, les musiciens comme David Bowie, plein de gens, YouTube, etc., utilisaient la méthode du katab pour composer. Vous connaissez la méthode du katab, tous, non? En fait, tu peux expliquer, Magali? Tu vas réexpliquer parce que tu l'as dit la semaine dernière, mais fais-le au micro parce que comme ça, tout le monde connaît. Ben, en fait, le cut-up, c'est, j'avais pris pour exemple, c'est le copier-coller, couper-copier-coller. Et donc, j'avais pris pour exemple le livre La Machine Molle de William S. Burroughs, qu'il avait réalisé vers les années 1960. Et en fait, c'est des bouts de collage de fanzines, de bouts de magazines de science-fiction, de bouts de poèmes, de bouts d'œuvres littéraires. Et donc, en fait, c'était un voyage aux frontières de la fiction et de la réalité. Parce que lui, bon, bah, lui-même, il était aussi beaucoup sous l'influence de drogue, etc. Donc on ne sait jamais si c'est vraiment du réel ou bien du fantasme dont il s'agit. Mais tout est réalisé en cut-up, c'est-à-dire en couper-coller, couper-copier-coller. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on peut prendre un livre et s'amuser à écrire un autre livre avec le même livre en prenant des morceaux ou des mots et puis en les mettant dans un autre ordre, mais qui fait sens ou qui fait sens pour soi. Ou sens pour quelqu'un au moins. En France, il y avait l'école de micro. Micro. Regarde, ton micro à côté. En France, on avait l'école de Loulipo autour de Raymond Queneau, ouais. Pérec. Et ça, comment se présentent les œuvres du monsieur en question? C'est des collages carrément sur. Non, pas du tout. C'est des livres, mais sauf que c'est avec des bouts de mots à partir d'œuvres de science-fiction, de magazines. Ah oui, et puis ça doit paraître absurde des fois. Oui, carrément, c'est pour ça. Puis, absurde et aux limites réelles ou fantasmes, on ne sait pas trop, quoi, en fait. Mm-hmm. Et donc, suite à ça que j'avais présenté à la radio, j'ai mis ce petit article dans le journal de la semaine dernière. Donc, vous pouvez le retrouver aussi là-dedans. Oui, le journal de Noémie. Non, le journal de Villévra, celui-là. Oui, mais c'est celui de Noémie Alvarez. Le journal était créé par Pedro Serra en 98, ici. C'était une idée qui venait de la clinique de la Borde. Et moi, je me rappelle parce que j'ai fait un stage ici, mon premier stage, j'avais 20 ans après, à peine en psychiatrie. Et moi, je m'occupais du journal du vendredi. Et ça a fait. Mais il y avait aussi Noémie qui était. Avant, il y était Martine Descours. Ouais. Mais Martine Descours, moi, j'étais son stagiaire. Et là, on est au numéro 1187. Waouh, bravo! Incroyable, hein. Tous les vendredis, ça ne s'arrête pas. Hein. Ouais. C'est une super invention. Puis voilà, ça. Et wow, avant, voilà. Les gens s'inscrivaient. Et on pouvait être abonné au journal. Ouais, bah c'est encore le cas. C'est encore le cas ? Mais il faut venir le chercher, là. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des choses magnifiques, ouais, là. Super bien. Et voilà, donc la radio, on a envie que ça reste aussi, j'espère, autant. Pour l'instant, on est sur Pinot, nos amis de Pinot. Jean-François, tu vas parler de quoi aujourd'hui ? Tu as des textes ? Tu vas parler des astres ? Ah ou oui, pas ? Ah d'accord. Sur l'eau et les propres ? C'est bien. C'est extra. De oui, il faut aller chercher. Les haïkus, j'en connais qu'un seul. Oui. C'est qu'il est doux en été de traverser la rivière les sandales à la main. Ah. Vous connaissez pas? Bon. Donc Albert, il va faire les programmes du jour là, c'est ça? Ah bah, c'est pas c'est le programme de ce qui m'a intéressé. Donc toi, tu vas commencer avec ça. Tu vas parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous faire un bulletin d'information. Oui. Donc j'attends 4h30 parce qu'on a un flash d'information. Un flash info, les flash info de 16h30. Le flash info. Ok. Alors, ça commence à l'international avec l'évitable situation en Ukraine. Oui. Et dans l'Est, le Donbass. On a eu aussi un journaliste tué. En revenant en France, ce qui préoccupe les gens à très court terme, c'est l'inflation. Oui. Parce qu'on a noté des chiffres inquiétants. on avait une inflation zéro et puis ils sont passés à 3, 4%. Oui. Et on sait, à qui elle profite aussi ? À l'État. Bah non, il y a des gens qui sont moins touchés par l'inflation que d'autres. Les actionnaires sont touchés. Hein. Les actionnaires de quoi ? Les actionnaires de, bah non. De la planète. Les actionnaires, par exemple. Micro, prends un micro. Tu peux lui donner un micro, là ? Il y en a plein, là. Il y en a plein qui jouent en bourse et qui déposent leur argent en bourse. Et comme la bourse, bah, elle descend à fond, bah, ils perdent des sous. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent qui est en bourse, il se déplace vers les obligations, vers les emprunts. Qui sont plus sûrs. Les emprunts, les gens qui ont fait un achat immobilier, par exemple. Les gens qui ont fait un achat immobilier. Ah ben ceux-là, ils sont embêtés. Ben non, ils ne sont pas embêtés s'ils ont signé en janvier. On leur fait le taux de janvier. Ils vont être embêtés bientôt. Au mois de juillet, par exemple. Vu que les taux vont augmenter. En tout cas, c'est devenu le thème numéro un des élections. Cette affaire de pouvoir d'achat. Et les réponses ne sont pas évidentes. Ensuite, j'ai noté une controverse, encore une, sur la police, au sujet aussi de la légitime défense. Est-ce que, d'abord, dans le cas particulier, est-ce qu'il y avait vraiment... Et puis, comme dirait l'autre, pour un simple contrôle un simple contrôle se finir avec une balle dans la tête, c'est un peu bizarre. Quoi. Il y a des flics crépous aussi. Hein. Et il y a des flics qui pètent des plombs. Ouais. Bah oui. Oui. Alors là, je pense. Pour le micro, Magali. Moi, j'ai déjà connu des flics en HP, donc c'est pas limité. Ah bah oui. ça peut atteindre n'importe qui, y compris dans ce corps professionnel. Il n'empêche qu'ils sont quand même indispensables aussi. Oui, tout à fait, pour la sécurité. Ben oui. La sécurité de chacun et de tous. Ouais. C'est pour ça, c'est bien d'appeler ça une controverse, parce que c'est vrai que ça laisse à réfléchir sur quoi, où, comment, pourquoi. Et ouais. Ouais. Tu de l'autre fois. Ouais. Ok. On fait les programmes. Donc Magali, va parler de quoi aujourd'hui? Eh ben de Jack Kerouac des haïkus. Tu peux noter, Albert? Jack Kerouac les haïkus. Et je vais également passer un son de Burroughs. Ah, génial. Et tu l'as sur quel Ouais, je sais pas. Domaine? Je peux le prendre sur YouTube. Oui, mais on a une connexion. Jamina, attends. C'était quoi, Coco? Et tu as un mini jack sur ton téléphone? Un quoi? Un mini jack, ça s'appelle. Non. Un jack, un mini. Parce que c'est la seule manière de connecter. Mais sinon, tu mets l'envoi sur mon pas. Je peux le planer. Tu veux qu'on mette maintenant? Oui, tu peux le préparer pour l'instant. Un morceau aussi. Oui. On va noter la playlist. Ton prénom, j'ai oublié. Flavie. Moi, j'aimerais bien passer I'm Lost de Noir Désir. I'm Lost de Noir Désir. I'm Lost. Ben oui. La schizophrénie. Tiens, encore une controverse sur le groupe. Ministères, I'm Lost. Parce que je travaillais dans un ministère. Oui. J'étais I'm Lost. I'm Lost. Total Lost. Mais est-ce que, Albert, tu peux peut-être noter, s'il te plaît, si tu peux être aujourd'hui le secrétaire de l'émission? Parce que Jean-François Lemarre. MC Solar, les sept commandements. Ah, je voulais dire. Commandement ou Solar, les sept commandements. Pour l'écrire. MC Solar, Caroline. Tu vois, c'est écrit. Non, ça terme. Comment c'est bien. Albert, mais c'est bien parce qu'Albert, il a plein de matériaux radiophoniques chez lui. Il y a de super beaux micros vintage, super qualité. Et il va venir. Et puis, avec lui, on va s'occuper des nouvelles sections de la radio. L'année prochaine, ça va être la prise de son. Donc, on va aller prendre du son au Bois de Bondy. Ah, d'ailleurs, mercredi prochain, il y a une activité au Bois de Bondy d'une artiste qui va faire de ses sculptures. Et j'ai pensé, si vous êtes d'accord, de faire l'émission de radio là, au Bois. Donc, le rendez-vous est toujours ici. Hein, hein? Le rendez-vous. Oui, le rendez-vous, ici. Ça va être ici à 15h. Et on va aller là-bas mercredi prochain. C'est mercredi prochain. C'est pas le jour là. plus naturel, très naturel. C'est celui-là. Et donc on va faire l'année prochaine, à partir de la rentrée, de la prise de son, on va faire des entretiens, on va faire des micro-trottoirs, on va aller faire des émissions dans le centre-ville. On aura peut-être une perche pour la... Avec une perche. Tu sais faire la perche ou pas? Oui, mais c'est fatigant. Il faut, ouais. faut le faire. Mais on va apprendre, on va tout apprendre. Mais non, mais est-ce que tu l'as, la perche? J'ai une perche à moi, mais on a commandé. Moi, j'en ai une aussi. Bah, tu ramènes ta perche et on va faire compte. Tu me prêtes ta voiture, alors. Non, bon, Pedro, on ira avec Pedro à chercher tes matériaux. Oui, bah ça, il faut fixer un rendez-vous. Donc, pour l'instant, on va fonctionner ici. Peut-être après, on aura un bureau ailleurs pour stocker le matériau. Mais on fera toujours une émission ici pour les gens qui sont hospitalisés en bas, quoi. Bah oui, quand même. Mais l'idée, c'est de pouvoir aller faire de la prise de son. Qu'est-ce que tu peux donner? C'est à 14h ici, alors. 15h. 15h ici. 15h, tous les mercredis, 15h. Ouais. Voilà. Est-ce que l'on a des choses à rajouter? C'est celui qui était sur la route. Ouais. On the road. Sur voilà. La route. Donc, bon, Marie-Lyne parle de ça. Toi, tu as ton sujet. Tu as plein de sujets. Tu vas faire le journal météo. Non, le journal... tu fais peut-être 5h moins de quart. Okay. Et Flavie, tu veux parler de quoi aujourd'hui? Je veux parler... Quick. Comment? Quick. J'ai mis trop d'effets à appuyer. Je veux parler de la chanson de Noir Désir, Amnost, la schizophrénie. Oui. Tout ce qui se passe dans les ministères, il y a un autre truc, il parle de drogue aussi. De quoi? De drogue, je sais plus ce que on c'est. On va parler de drogue pour la schizophrénie? Non, mais Noir Désir, c'est... Chanson, il parle de... Ah, bon, Noir Désir, pardon. Ouais. Mais Noir Désir, ils ont eu un gros problème, quand oui, même. Oui, mais c'est... C'est avant que... Ils ont refait un groupe. Un groupe, et ça, c'est une des dernières chansons qu'ils ont faites. Ah, ouais. Oui. Et le chanteur est toujours le même? Oui, Bertrand Cantat, oui. Ah, ouais. Quoi? Cuillère. Ah, Cuillère, il y en a là-dedans aussi. Tu vas trouver. Il a fait ça, enfin, je veux dire, il a été en prison pas mal d'années, quand même. Ouais. Au moins, il a purgé sa peine. Non, le problème... Attention. Oh, la vache. Attends, on a des sopalins, hein, tiens. Attendez, Albert. Je suis désolée, hein, c'est pas moi. Attention avec les micros, après le reste on s'en fout. Si on sauve les micros. Bon, voilà, tu vas parler de ça, superbe. Ouais. Parce que on prépare l'émission en direct qui est à 5h là. Là on est en direct sur internet, mais après on est sur FM. D'accord. À 17h. D'accord. Donc là c'est là un peu là, on se chauffe un peu là. D'accord. Jean-François, tu vas parler de quoi aujourd'hui? Tiens, prends le micro. Bah, je parlerai. Il est pas blanc, hein. Je parlerai de la voyance, des flashs qu'on peut avoir vis-à-vis des personnes en face de soi, personnes positives ou négatives ou stagnantes dans la vie, des retours affectifs, des retours d'affection, de toutes sortes, quoi. Et je ferai l'astrologie. Pas l'astrologie, mais les tarots. Merci, au revoir. Est-ce qu'Albert, tu as noté, c'est ce que Jean-François a dit? Non, on n'a pas dit. Non. Non, parce que c'est toi le secrétaire. Mais je voyais que tu t'es occupé de la... C'est pas grave. Non, mais Jean-François, il a une chronique tous les mercredis d'astrologie, voyance, danse, et chant... musique, météo, des fois aussi tu fais des fois, ouais. Ouais. Voilà. Et ton prénom, j'ai oublié. Tu as un Alzheimer, hein, désolé, hein, j'oublie tous les prénoms. Hein. Nadine. De quoi tu parles aujourd'hui? Pour l'instant, bah, je sais pas encore. On verra à la limite, je sais pas. D'accord, tu l'improvises. Je suis arrivée avec la tête vide. Bah, c'est bien. Et plein de problèmes dedans, et j'ai pas réfléchi à ça encore. Bah, c'est l'idée. Voilà, on va ouais, on verra. Le principe de la radio, c'est transformer les problèmes en poèmes. Voilà. Et tu sais comment on transforme un problème en poème? Tu prends les mots problème. Ouais. Tu enlèves le R, le B et le L, et ça arrive à ce poème. Ouais. Eh, joli. Donc, tu enlèves les consonnes, tu vois, qui bruit tout le truc, et ça te reste un poème, tout simplement. Ouais. Bah, Siol, il le fait. Tu vois, Siol, il a une thématique dans sa tête. il va composer une chanson avec. C'est ça ce que j'appelle transformer un problème en poème. Ok. Jean-François, il fait de la chorégraphie des fois, il fait la danse. Tu vois, et donc chacun de nous, il y a une singularité pour traiter tous les problèmes et les transformer en poèmes. Des cours de danse adaptés à la clinique, tous les jeudis. Je dois signer un contrat. Là. Ah oui, tu es dans des contrats légaux. Après, c'est pas légal, c'est pas marqué sur papier, on vient pas, on fait un peu ce qu'on veut. Bon, et okay, Siol, tu vas parler de quoi aujourd'hui? Tu vas... T'en prends un micro déjà. Je les achète sur internet. Mais comment vous les retrouver? Parce que c'était caché. Je sais pas. Et... Bonne question, je ne sais pas du tout. Peut-être passer une musique que j'ai fait il y a. Ah oui, de la magie et tout. Que j'ai fait il y a longtemps, je sais pas. Non, on verra. Oui, tu peux montrer des choses. De toute façon, tu vas tellement vite que des choses qui pour toi sont du passé. Bon, non, c'est des contemporains, quoi, tu vois. C'est ça, hein. Des fois, ça prend du temps. Des choses. Des fois, ça prend 10 ans, 20 ans, 15 ans. Voilà. Et donc, on a fait le tour. Et ton prénom, j'ai oublié. Comment s'appelle ? Carla. Carla. C'est pas Carla. Si. Carla. Est-ce de quoi tu veux parler aujourd'hui ? Bah alors, tu as la bouche pleine, là. Attends. Tu attends deux secondes. Voilà. Donc on fait le plan de la radio comme tous les jours, comme tous les mercredis. Ça, on va les jeter, non ? Carla qui nous a fait quand même, nous a sauvé une plante, parce que quatre plantes. Hein? Voilà, il a retiré le feuillet. Voici un exemple criant de moments de nos vies ou d'instants fugaces ou longs, où lorsque les meubles sont connus et reconnus à chaque entrée de nos pas, le soir venu, après une longue journée de labeur, nous oublions qu'à la portée de nos mains, sur les meubles anciens, se trouvent des plantes. Plantes fatiguées, plantes rabougries, plantes rikiki ou plantes moisies. C'est pas ton sujet aujourd'hui, c'est comment sauver les plantes, c'est ça ? Mon sujet aujourd'hui, c'est comment faire pour ne pas oublier l'âme et l'esprit de l'autre, d'où les plantes. Eh bien, c'est très simple. Une plante, mes amis, c'est comme un enfant. Il leur faut des tuteurs de développement. Si la plante commence à pencher vers la droite ou vers la gauche, vers le hasard des rencontres, des aléas de la vie, le tuteur de développement dira tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Qui va là? Où vas-tu là? Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et voilà. Et pour la plante, eh ben, c'est la même chose. Un petit bout de bois, une petite ficelle tendue vers le long, vers le ciel, et qui dira, pousse autour de moi, pousse autour de moi. Reste près de moi. Coller, mais reste à côté de moi. Voilà le sujet. Le sujet, ça peut être l'attachement. Le sujet, ça peut être également l'empathie ultime qui fait qu'on peut s'oublier soi-même, s'oublier totalement. S'oublier. Comme comme un aimant ou comme un électron. Mais est-ce un électron libre ? Je vous passe le micro. Je vous passe le micro. Allô, Tango Charlie? Allô, Tango Charlie? Tango Charlie? Allô, papa Tango Charlie? Allô, papa Tango Charlie? Répondez. Oh yeah! Hello papa Tango Charlie, hello papa Tango Charlie. Réveillez-vous dans la terre, les consciences sont pas éphémères. Merci Carla, ça fait du bien. I'm happy, like you, I hope. Reina en Wolof. Ça passe bien. Bon, on passe bien à la radio là, je viens d'écouter, c'est super. Carla, tu as une voix radiophonique. Tu es partie de la radio, tu sais. Embauchez-moi. Je fais un appel aujourd'hui même, à l'instant où je vous parle. Jeune personne, être humain, appelé électron libre ou troublion ou troubadour. Je préfère troubadour. Vous voulez bien de moi pour animer une chronique, une histoire d'un soir, d'un matin, d'un petit goûter, près d'un câlin. Appelez-moi, je suis là. Ma voix n'attend que ça. De partir avec mes mots, de virevolter vers les merveaux. Si vous m'entendez, je serai prête à m'envoler comme une alouette. Wow, c'est une chanson, ça. Quelqu'un peut faire la musique, ça? Marilla, peut-être elle peut te accompagner avec la flûte. C'est de l'impro. Mais c'est ça, c'est l'impro. Bah, tu peux faire une autre. Non? D'accord. Voilà. Mohamed, prophète, de quoi tu vas parler aujourd'hui? De l'insertionnaire. T'as ok, prends un micro, tu vas le faire. Et tu peux noter, Albert? Oui, je veux un café, s'il te plaît. C'est Albert, aujourd'hui, notre secrétaire attitré. Mohamed. Salah. S-A-L-H-A. Voilà. Plus connu comme Mohamed Leremet. Sonia. J'ai plus de cigarettes. J'ai dû me débrouiller avec Pierre-Henri, Monsieur Désir. Les 15 cigarettes d'Axel, elles ont été volées par Pompeux. Pompe-moi le dard, je t'enverrai au ch'tard. Des cigarettes, t'en veux? Il faut un paquet de Malbaré, Malboro. Protège ton dos et tes abdos. 10 cigarettes, j'ai du doigt. Je lui donnerai quand il sera plus frais. Deux vestes, Lacoste, SBB Sonia. Dis à mon grand frère Abdelhakim qu'il n'appelle plus le poste de soins. Leur médoc, papa et maman sont morts. Je pleure. BEP, brevet d'enculé. Heureusement, il y a. Cham, non. Si. Très admiratif de Mohamed parce qu'il est, il est en même temps très connecté avec son expérience la plus profonde et il trouve les poèmes dans tout papier dès qu'il trouve autour. Et oui, mais je crois qu'il ouais. Et moi, j'admire comme Mohamed, il va trouver un poème de là, il va trouver un poème sur la carte. J'ai un ami comme ça, un ami poète, un James Chaton, qui fait la poésie comme ça. Avant, aujourd'hui, c'est devenu. Non, pas lui, un James Chaton. Il prend des tickets, des trucs qu'il trouve dans la poche et il fait un poème de ça. Ah, il copie. Bah, toi, tu le fais normalement, habitude. Moi, je copie pas, moi, j'improvise. Tu improvises et tu inventes. C'est ça qui est impressionnant. Vas-y, fais-nous un autre poème. Mohamed, je te sens inspiré là. Tu prends le micro et tu vas. 1-2-1-2. Tu marches avec les Schmitt. Vas-y, donne les mecs. Ancien éteur inspect. Dans la brigade des joueurs. Les loups. Il est près de moi. C'est dodo. Il fait dodo. Faut pas le déranger. Il va se mettre un revers à la Vélandère. Borg, Soleil, il n'a pas assuré une bille pour des filles. Maintenant, je donne la parole à Magali. Oui. Je sais pas la lire, la musique. Il y avait un piano, il y a plus un piano. Le piano, il a disparu. Et tous les mégots. Tous les mégots derrière, il a disparu. Quelqu'un a piqué. Ah, c'est bon, on a vu les bons. Tu veux un café ? Attention avec. Oui, je veux bien, s'il te plaît. Non, ça va. Attention, c'est chaud. Mais chacun va se faire lire. Tu ne vas pas les passer vers lui. Qui veut un café ? Ah. Alouette, oui, gentille oui. Alouette, je te plumerai la tête. Salut Pedro. Salut nos chroniqueurs de. Attends, attends, allô, allô, allô. Allô. Tu entends ton fort là ? Dominique, Nique, Nique, Nique. S'en allait en promenant. Monique, je t'encule. Là, du recul. On va mettre une fois un micro. Non, il y a un maître Sierra. Il y a un monsieur Sierra. Il va nous faire de la gratte au dos. Il y a Pedro aussi, le musicien. Hitler, sa grand-mère. Et il faut parler au micro, les amis. Voilà, vous pouvez rentrer, hein, tous bienvenus. Monsieur Pedro, oui. La guitare, s'il vous plaît. Et... La guitare, elle n'est pas là, j'ai une guitare électrique. J'ai redressé, oui, ça va. Ouais. J'ai redressé votre rétro. On n'a plus de guitare. Les deux mouvements. On n'a plus de piano. Pourquoi ça ? J'ai pas cassé, hein. Bon. Non, merci. Alors, et on a le programme complet. Attends, il y a la chronique. Tu peux, Albert, Albert, tu veux noter Pedro qui... Pedro, est-ce que tu veux faire ta chronique tout de suite ou après ? Moi. Tu prends un micro, là, il est là. Voilà. Albert, tu notes la chronique de Gastrosophie de Pedro Serra. Je lis dans un poème l'arbre qui bouge au clair de lune. Voix claire dans mon jeu. C'est-à-dire que la gastrosophie comporte aussi le respect pour le monde naturel. Autrement dit, nous vivons d'échanges. Nous vivons même de capture de choses qui traînent dans la nature. De la capture de Bovini. Prends le micro, Mohamed. Et donc, avec Mohamed, nous allons partager la chronique sur... Mohamed, oui. C'est quoi manger ? C'est déranger. Manger, c'est déranger. Vous confondez mal manger et un dérangement, non ? Le chef. Ça dérange ? Le self is me. Ah. Le self, c'est parfois soi-même. On mange pour soi-même. Au self. Donc ça s'appelle le self-manger. Comprendre. Autrement dit, quand il y a un arbre, on dit qu'un arbre peut porter des fruits. Oui, mais les cerises. Et le poisson n'est pas un petit carré de poisson pané qu'on voit dans les boîtes, parce que si on ne fait pas attention, on ne reconnaît plus la présence de ce qu'on mange dans la nature. Autrement dit, il faut connaître la nature, le rythme de la nature, les saisons de la nature, la proximité de, ce, de cette nature avec nous, avec notre estomac. Et pour que cette nature nous fournisse de la manière... Léonidas, un peu plus Brigitte, la femme de flic, quand tard le soir il patrouille, montez, montez les grosses couilles, ça mouille. Bravo. Et donc aujourd'hui la chronique gastrosophique veut dire ça, c'est que nous ne mangeons que ce qui est dans la nature, autrement on mangerait des choses artificielles, ce qui n'est pas très bon pour la santé. Moi, je... C'est pas la malbouffe. Des marshmallows, j'imagine qu'il y a des composantes... Chamallow. Par exemple, pour les musulmans, c'est très bon ça, parce que ça brise les croyances religieuses, parce qu'il y a de la gélatine de porc dedans. Hein, je vous préviens. Fallait pas le dire. C'est Pedro. Monsieur Pedro. Ça fait partie de ce que nous avons. Donc regardez, un pommier est un arbre sacré. Pourquoi un pommier est un arbre sacré? Parce que ça produit des pommes. Et qu'est-ce que c'est bon une pomme? Ça croque, c'est juteux. C'est joli. Certains aiment enlever la peau, mais quand la pomme a la peau fine et elle est biologique, ça reste coincé dans la gorge. C'est une question de goût. Et les poires, c'est le poirier, c'est tellement important qu'on porte même le, comme nom ces choses-là. Il y a Monsieur Pommier, Monsieur Poirier, n'est-ce pas? Tellement c'est important. Donc les arbres nous nomment. Vous voyez, vous imaginez une chose, quelque chose qui nous donne à manger, nous nomme aussi. Donc je m'appelle Poirier. Et donc, d'ailleurs, dans mon nom de famille, il y a Pereira. Et Pereira, c'est un poirier en portugais. Voilà, c'est le poirier, c'est l'équivalent de poirier. Et donc, vive les arbres, vive les petits poissons dans la mer. Et vivre de temps en temps un prélèvement de ces éléments que la nature nous donne au bénéfice de notre alimentation et de notre santé. Et je vous souhaite une bonne santé et une bonne alimentation pour la suite de la journée. Merci beaucoup. Moi, je voulais intervenir en disant que on essaye de retrouver l'esprit d'une radio libre. Mais on a combien de psychiatres autour de la table? Non. Vous suggérez que le psychiatre prive la radio de sa liberté? Quoi? Vous pensez que le psychiatre prive la radio de sa liberté? Ben, il est pour le contrôle social. Donc, non, et puis nous... Encore? C'est pas ça, c'est... Ma cousine, pour la radio, vous avez... On est obligé de se censurer en on face. On ne peut pas dire ce qu'on veut devant un psychiatre. On ne peut rien dire devant un psychiatre. Ne suis pas un psychiatre, je suis un chroniqueur. Comme mais vous. Quand même. Ouais. J'ai le même statut, j'ai le même rang que Mohamed. Si je vous avec Mohamed en plus de la poésie. Que je d'accord, n'ai pas si tellement. Je vous raconte mon histoire, je vais en isolement pendant un an. Allons-y. Mettez-vous. Non, je raconterai pas en fait. Est-ce que votre histoire peut être rendue publique? Comment? Est-ce que votre histoire pourrait être rendue publique? Oui, mais pas encore, il faut que j'écrive mon livre d'abord. Ah, donc vous allez nous faire une chronique sur le livre que vous avez écrit. Faut que d'abord. Tout à fait. Avec l'aide de ma fille, et après on verra. Tout n'est pas comme ça, hein. Je libre, sais. Libre, libre. Je sais. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire à un psychiatre. Voilà, non, ça nous amène à nous censurer obligatoirement. Je vous sens envahi par la censure, monsieur. Oui. Hein? Vous êtes contenu. Mais je ne suis pas Torquemada. Inhibé. Ah, vous n'êtes pas un Torquemada. Ouais. Vous connaissez Monsieur Torquemada? C'était un curé du XVIIe siècle. De l'Inquisition. De l'Inquisition. Alors, non. Ce Torquemada, on lui doit pas mal de bûchers avec... Mais de quoi vous parlez, là? C'est un grand inquisiteur. C'est un grand inquisiteur, c'était le il a mis la foi catholique avant tout, et puis il convertissait, si on se convertissait pas, on brûlait. En l'islam ? Non, en radical. La région chrétienne. Ah, c'était en Espagne. J'ai perdu plus d'amis chrétiens que de putain de maghrébins. Ouais, t'as raison, putain de maghrébins, ouais. Pourquoi donc ? Maghrébins, je vois trip. Alors, on est à 2 minutes de direct en FM, on a un programme chargé. Et on va commencer. Attends, Ogni, il va présenter ça. On va présenter. On va présenter ça. Ogni, il va faire à 5h, il fait la batterie sonore de l'émission de radio. La et la après, batterie. On va enchaîner sur. Albert, tu vas lire les programmes de la journée. Oh, et tu. Bah, il y avait beaucoup de et choses. Et elle va improviser parce que. T'es un malade, toi. T'es un remalade. Tu prennes un régulateur, hein, comme moi. Je dirais, heureusement. Bon, d'accord. C'est après, c'est, ah bon, c'est bon après. Ouf. Ok, après. Le teckel. Ça, c'est un chat aussi. Ouais, si on veut. D'accord, et oui. Et d'autres? Oh, elle commence à me faire chier, celle-là. Oh, ça, c'est... Quel est ce personnage qui parle? Oh, ma petite, c'est Jean Gabin. Je sais pas. Ouh, si Jean Gabin revient d'outre-tombe, c'est que ah le bon temps est grave. Qu'as-tu à dire, mon cher Jean, sur l'air... Je suis tombé de la mer. Et qu'est-ce que tu penses de la société que tu as laissée? Hein? Pas trop fort. En plus, t'attends. Eh, Jean. Quel intérêt. Jean. T'as des remords. Comme les louvards. J'ai sauvé des cocards. À cause Jean, du mec. À qui t'as donné Jean. Un quart. Stop. Remballe ta caisse. Fais preuve de dignité. Mais aussi de sagesse. Laisse courir le bruit. À ton propos. Oui, camarade, à ton patron. Waouh. Wow. Génial, j'adore. Magnifique. Tu sais, Mohamed, quand tu dis les choses, les mots, ils pètent, ils claquent, ils éclaboussent, ils réveillent. C'est la vérité. Qui blesse. Qui fait mal, mais qui restaure. Le restaurant ? Non. Elle restaure, elle amène au restaurant le pauvre restauré. Tu comprends? Restaurer une voiture. C'est pas mal, le jeu de mots est pas mal. Une voiture, c'est... 504 B6, 3 portes. Une t'as voiture, rayonné. C'est immatériel. On n'est pas matérialiste. On persiste. Je viens d'avoir du café qui vient de couler sur mon pantalon. Je trouve que c'est un très bon signe. Il est 5h, Paris s'éveille. Ouais. Oh, tu peux la refaire plus lentement. T'en veux ou pas ? Je la sais pas, je connais juste le dernier. Paris s'éveille. Il est 5h. Paris. Je n'ai pas sommeil. Ouf. Mouaou. Oh. Mouaou. Mouaou. Je sais pas quoi faire. J'ai rien à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me taire. Je me jette à terre. Au fond, Y'a que fille, ça veut dire ça suffit. Et alors. Il est 17h, Radio Metanoia. Aujourd'hui, on commence le 8 juin 2022. Et on a Albert, notre nouveau secrétaire en chef et prochain en charge de la, de la prise de sang. Attends, Albert va présenter, après c'est toi, Mohamed. Monsieur Serra, il va lire ça. Il va lire un poème, Pedro Serra, après de Mohamed, le prophète. Mais d'abord, Albert va présenter le programme. Le programme ? Bah, déjà, il faudrait présenter le micro. Ah oui, attends, c'est qui ? Vas-y, vas-y. Le programme. Je vous ai fait un bulletin d'information, déjà ? Oui. Hein, il y a les élections qui approchent, là, dans une semaine. Je suis assesseur. Ah, non. Ça va pas dégager, Hervé ? La mairie de Bondy. Mais je vous conseille tous dans la mesure où vous n'êtes pas sous curatelle. Et Suzanne, elle a arrêté la politique, madame. Thomasin, ça a été truqué. Ils ont cramé le marché. On ne prend pas le micro, personne ne nous entend. Prenez un micro. Il y a 5 micros, voilà. Oui, il y en a. Vous pouvez réagir, vous pouvez. Oui, madame Thomasin, elle a dit qu'elle arrêterait la politique si elle perdait. Ben, elle a arrêté, hein. Elle a arrêté complètement. Ouais, ouais. Ah. C'est qui va la remplacer alors ? Bah, elle est déjà remplacée pour. Elle est déjà remplacée pour la mairie. Et dans son camp. Là on est sur les législatives, c'est la députation qu'on appelle. C'est qui le député du coin ? Candidat. Moi j'ai retenu une candidate. Anciennement. Bah oui, mais est-ce qu'on doit rester neutre ? Oui, on peut dire des noms neutres. Des noms neutres ? Bon, oui. Micro. D'accord. C'est qui la candidate que vous connaissez ? C'est la candidate de LFI. Comment elle s'appelle ? C'est une économiste. Elle s'appelle. Oh, pourtant j'ai eu les bulletins. Non, c'est bizarre. C'est coupé en deux. Il y a une partie qui est avec Aulnay et nous, on est avec. Enfin, là où j'habite, on est avec Noisy-le-Sec. Mais il n'y a pas une circonscription bondinoise, il y en a deux en fait. Valérie Pécresse, elle a quoi, Valérie Pécresse ? Oui, mais elle préside la région, elle n'est pas du tout dans le coup. D'accord. Non, c'est celle que j'ai repérée, c'est une économiste assez dynamique qui était avec Attac avant. Et elle remplace. Une députée qui était déjà de la même couleur, mais qui a décidé qu'au bout de 4 ou 5 ans, elle laissait la place. Donc ça fait quand même un truc bizarre, c'est qu'on a un maire de droite et on aura sans doute un ou deux députés de gauche. Ou d'extrême, je crois, peut-être. Mais ça m'étonnerait, hein. Oui, c'est bon. Ça, c'est la première partie. Après ? Il y avait l'international avec la guerre en Ukraine qui s'éternise. Oui. Et puis, de nouveau, dans les nouvelles françaises, il y a le problème de l'inflation avec le pouvoir d'achat qui est grignoté par l'augmentation des. Le gaz aussi, hein. Et qui n'est pas sans lien avec la guerre en Ukraine, d'ailleurs, probablement, d'augmentation du pétrole, je me demande si elle du sert gaz. Pas, je me demande si elle ne sert pas à certaines spéculations, justement. Ah, oui, derrière, il y a de ceux qui aiment gagner des sous sur le dos des pauvres. Oui, c'est ça. Les guerres, ça a toujours été comme ça. Hein. Il y a des gens qui s'enrichissent, quand il y a des guerres. Bah, il y a déjà les gars qui doivent... il faut la reconstruction d'un pays complètement dévasté. On repart à zéro, puis on refait. Oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Bon, est-ce qu'on peut mettre un peu de musique pour changer? Oui, on va mettre un peu de musique aussi. Pour se changer les idées. Ouais. Oui. Ah si, le truc qu'il ne faut pas aborder, c'est la situation de l'hôpital public. Ah oui. Attends, il y a l'Arsène. Ah bah j'ai bien fait de venir aujourd'hui alors. Pour un micro. Qui ça ? Ça va, c'est parti. C'est la partie politique, vas-y. T'écoutes. Moi, donc on parlait de la grève des professionnels de santé qui a eu lieu hier avec une petite manifestation. Parce qu'il n'y a déjà pas assez de monde dans les services, donc les soignants ne peuvent pas aller manifester non plus. On est réquisitionnés pour travailler. Il y a du monde hier ? Pas beaucoup, peu de monde. Votre conseil général, combien de personnes ? Je sais pas, j'ai pas eu les chiffres, mais voilà. Ben moi, je l'ai ressenti avant-hier. Parce que j'étais en rupture sur un médicament. Je suis venu à la maison médicale. Il y avait un médecin, sans doute, qui m'a dit qu'en fait, non, ils n'avaient pas les médicaments. Oui, il y a des ruptures aussi. Je ne sais pas s'il y a rupture sur les médicaments, il y avait rupture sur l'information. Peut-être. Elle m'a renvoyé, évidemment, sur les pharmacies de garde, autant descendre sur Paris. Ou miracle, moi j'ai retrouvé un médicament en dessous de mon lavabo. Voilà. Micro, micro. Porte de Vincennes, il y a une pharmacie de garde. Porte de Vincennes. Ah, ça, c'est bon à savoir. 24 heures sur 24 ? Oui. Ah oui. Il y a à République, je crois qu'il y en a une aussi. Porte de Pantin aussi. Porte de Pantin, voilà. Non, mais ici, est-ce qu'il y en a une de non, pharmacie ? Il n'y a pas de pharmacie. Non, ici, il y a des médicaments, mais pas de pharmacie. Non, d'accord, mais même les médicaments, on m'a dit que le mien, il ne l'avait pas. Quel c'était le tien ? Est-ce que c'est un truc qui s'appelle le Gutron ? Gutron ? Ça relève la tension artérielle. Ça, ouais. Ah oui. On n'a pas ça. On a quel marché noir, ça, des faux. Ça, c'est à Barbès. Ça. Les faux médicaments, ils sont moins chers. Ah, ils sont moins chers. Ouais. Vous savez à quoi il se soigne ? Quand il est malade, il prend du fromage et ça marche. Il mange du fromage. Qui ça ? Dutron. Dutron, Jacques Dutron ? Jacques Dutron. Il mange du fromage. Quand il est malade, il mange du fromage et il a plus rien le lendemain. Toutes sortes de fromage. Hein. C'est du tronc, il faut se méfier, c'est du tronc. Il prend le camembert le matin. Ah bah. Oh, Mohamed. Non, avec il faut le prendre vers 5h. Régule ta force, Mohamed, tu as tout cassé. Un toxico-laitier. Ouais, un toxico-laitier. Ça marche. Le fromage, ça marche. Quand on est malade, quand on a un gros rhume. Vas-y, mais. Prends un micro, prends notre micro, comme ça tu peux dialoguer tranquillement. Oui. Oui. Ouais, vous prenez un bon morceau de camembert mélangé avec d'autres fromages. Ah, et moi ça c'est le brie de Meaux que je préfère. Ah, d'un coup. Roquefort. Mais vous savez que le Roquefort. Le camembert, c'est en fait, ouais, c'est la recette, c'est du brie. Le Roquefort, ça renfort. Ils l'ont piqué, la recette. Ça renfort. Ça renforce. Ça renforce. Ça renforce, ça renforce. De la tête. Oui, on va mettre de la musique. Allez-y, est-ce qu'on peut mettre un blast ou... On va mettre un morceau de William Burroughs qui est... Non, j'ai trouvé un son, moi. Attends, un son, William Burroughs, et Mohamed va nous... Mohamed, il nous dit, voilà, arrêtez de parler et sortez les textes qui sont dans vos têtes. Même pas dans la tête, qui sont dans les corps, je veux dire. C'est facile de copier. Hein. Ouais. C'est dans mon corps, alors. Mettre une virgule, point d'interrogation, d'exclamation. Ouais. Ma grand-mère, t'as verni à bois. Boire et déboire, tu l'as vu ? Non, avec qui ? De Bertrand Tavernier, non ? C'est qui ? C'est un film ? C'est un film. Allez sur Internet, boire et déboire. Et qu'est-ce qu'il dit, le film ? Il parle de sexe et d'amour. Ah oui. C'est pas la même chose. C'est Game of Thrones, ça. Et d'autres choses ? Et de la poésie ? 1, 2, 1, 2. Il y a Ange, mon ange gardien. Elle a toujours été là pour moi. Elle a couru jusqu'à 14 juillet, quand j'ai fugué. En 2000. Tu veux une cigarette ? Non, mais après, on... 18. Dans le vif du sujet, on... 17, La Rochelle. C'est comment 42, Saint-Étienne. C'est comme on analyse des 57, pratiques. 57, Metz. Mais c'est la vérité, 58, putain. 58, Vierzon. 2 heures, 1h30 qu'on est en train d'attendre. Tu veux une cigarette ? Mais non, pas du tout. On est exactement comme quand on fait quand on est en supervision. Les gens, ils brodent, ils ne veulent pas parler. Mais c'est à la fin, quand les choses deviennent intéressantes, que là, les gens, ils parlent, ils restent même pas 10 minutes. C'est exactement la même chose. Depuis tout à l'heure, on tourne en rond. Et quand ça devient intéressant, il reste combien de minutes ? Dites combien reste les minutes ? Combien reste 50 minutes. Même pas vrai. Il est 12. Il est 12. Et alors ? Il n'y a pas le 12. 48, donc c'est pas pareil. On fait pour 2 minutes. Mais on peut parler ce qu'on veut là. Non, chacun parle, c'est ce qu'il veut. Bon. On peut pas la calculer. Mohamed, vas-y, continue. Tu resteras dans le recul. Vas-y, prends le micro. Non, il y a Magali avant. Ah bon. Alors, moi, je voulais parler des haïkus, des poèmes japonais en trois vers composés de 17 syllabes. Donc, c'est un art difficile. Comme je disais, j'ai pris ceux de Jacques Kerouac. Donc, lui, c'était plutôt de la poésie en prose. Donc, il respecte pas vraiment les 17 syllabes. À l'instar de beaucoup d'Américains des générations précédentes, il choisit l'errance afin de retrouver l'Amérique mythique et l'homme dans sa pureté originelle. C'est dans l'étude du bouddhisme qu'il a découvert et aimé la forme poétique du haïkus. Et comme la graine qui contient l'arbre en germe, ces courts poèmes de trois vers seront autant de moments d'épiphanie ponctuant la difficile voie vers la sagesse. Alors, on en a plusieurs. Une fleur au bord de la falaise se penche sur le canyon. Penchée contre le mur, les fleurs éternuent. Donc à chaque fois, c'est trois. Au soleil, les ailes du papillon comme un vitrail d'église. Les semelles de mes chaussures sont propres à force de marcher sous la pluie. Gazouillis d'oiseaux, le brouillard voile le portail. Aube, une étoile filante, une goutte de rosée se pose sur ma tête. Fou, j'ai écrit des rideaux de poésie en feu. Petit morceau de glace au clair de lune, dans la neige par milliers. L'arbre qui bouge au clair de lune voit clair dans mon jeu. Une feuille tombe droit dans la nuit calme, le rêve de changement. Le son du silence est toute l'instruction que tu recevras. Le ciel est toujours vide, le rose est toujours sur les touches de ma machine à écrire. Et là, c'est Mohamed. Mohamed, tu veux lire ça ? Alors Mohamed m'a passé un son. Le ciel qui rayonne bénit nos efforts, la terre nous donne ses riches trésors. Nos gerbes sont pleines d'épis blonds et lourds, nos fertiles plaisirs verront d'heureux jours. Magnifique. Magnifique, magnifique. Oui, Mohamed, c'est vrai que tu nous surprends chaque fois. Hein. Ouais. Ces poèmes sont de plus en plus profonds et spontané et très très très riche d'entendre sa poésie. Voilà, on continue alors avec les programmes. Merci Magali pour ces chroniques beatnik. Tous les mercredis, Magali l'amène. La semaine dernière, c'était William Burroughs. Aujourd'hui, c'est Jacques Kerouac. La semaine prochaine, Allen Ginsberg, on verra. Okay. Et tout à l'heure, on va écouter le son de Burroughs. Ouais, la semaine prochaine, Ginsberg, si vous voulez. Ouais. Donc, si vous voulez, on peut mettre un peu de... Attends, mais... Oui, mais d'abord, il y a... D'abord... Oui, après Otis Redding. Mais d'abord, on vient. La question, c'est que là, Magali avait mis un truc. Écouté, William S. Burroughs avec les petits rappeurs. C'est attends, juste, est-ce qu'on a. Quelques années avant sa mort. Hein, on va voir. On va voir si ça passe parce que mon téléphone, il a pas trop de lignes. On va voir si ça passe dans l'espace. Ah, William Burroughs, est-ce que tu es là ? Normalement, là, il y a de la voix. Il a quand même vécu jusqu'à 83 Attends. Ans, malgré tous ses excès. Alors là, vous savez qu'il avait tué par erreur sa première femme en jouant à Guillaume. C'est Jean Magali. C'était vraiment pas vrai. Otis Redding est mort en 62 à Philadelphia. Il a fait un concert. Tout l'orchestre est sorti indemne et Otis, il est mort. C'est le FBI avec Seyal, il me bat dans la tête. Ah ouais. Mais pourquoi on n'a pas de son, là ? Ma gueule. Il paraît qu'il meurt plus de ça, c'est-à-dire de la fatigue des tournées. Ah ouais, bah ouais. C'est pas spécialement qu'il boive ou qu'il fume. C'est l'énergie, hein. C'est... People often ask me how I'm any. Prosper, bioplan, boum. Badaboum. Badaboum, Prosper, bioplan, boum. Eh oui, toc, toc, me voilà, coup de boule balayette, où c'est qu'elle est la cam. People often ask me if I have any words of advice for young people. Words of advice for young people. Well, here are a few simple admonitions for young and old. Never interfere in a boy and girl fight. Beware of whores who say they don't want money. The hell they don't. What they mean is they want more money. Much more. If you're doing business with a religious son of a bitch, get it in writing. His word isn't worth shit, not with a good lord telling him how to fuck you on the deal. Words of advice for young people. Words of advice for young people. Avoid fuck-ups. You all know the type. Anything they have anything to do with, no matter how good it sounds, turns into a disaster. Do not offer sympathy to the mentally ill. Tell them firmly, I am not paid to listen to this drivel. You are a terminal fool. Words of advice for young people. Words of advice for young people. Now, some of you may encounter the devil's bargain if you get that far. Any old soul is worth saving at least to a priest, but not every soul is worth buying. So you can take the offer as a compliment. They charge the easy ones first, you know, like money, all the money there is, yeah. But who wants to be the richest guy in some cemetery? Money won't buy. Not much left to spend it on, eh, Gramps? Getting too old to cut the mustard. How's a young body grab? Like three card money, like the end of the shell. Now you see it, now you don't. Haven't you forgotten something, Gramps? In order to feel something, you have to be there. You have to be 18. You're not 18, you are 70. Fool sold his soul for a strap-on. Well, I always try the easy ones first. How about an honorable bargain? You always wanted to be a doctor. Well, now's your chance. Why, you could become a great healer and benefit humanity. What's wrong with that? Just about everything. There are no honorable bargains. Involving exchange of qualitative merchandise like soul. Or quantitative merchandise. Qu'est-ce que c'est dommage. Like time. La soirée est fumée. So piss off Satan and don't take me for dumber than I am. As an old junk pusher told me. Parce que je... Watch whose money you pick bon, up. Bon. Ah. Words of advice. Je suis young people. Dans tes bras. Words of advice. Hein? Personne ne l'écoute. Words of advice for young people. Mais c'est pas grave. Words of advice for young people. Au revoir. Hello, les amis. Have any words of advice for... C'est fini. C'est à moi de parler. Oui. Je voulais vous dire, mes amis, que j'ai malheureusement pas pu assister à cette séance, car aujourd'hui, au fond de mon cœur, l'agitation, de la torpeur, de l'impatience et de la rage. Je ne peux pas rester face à vous sans vous dire oh, combien je voudrais. Crier tout ce que j'ai dans le cœur, crier toute ma colère, crier toute ma mélancolie, crier toute ma rage, crier toute ma peine, crier toute ma âme, crier. Devant moi, des sourires s'affichent, devant moi, des sourires hypocrites, devant moi, des sourires timides, mais les plus beaux, les plus chauds, sont ceux de mes enfants, mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, nos ancêtres enfants, nous, notre civilisation. docteur. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, docteur? Quelque chose en toi ne tourne pas rond. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Eh oui, toc toc, me voilà. Là, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Ah bon. Si c'est téléphone. Eh oui, boum, boum, boum. Laissez-moi danser. Chante avec moi. Laissez-moi danser, je sais pas chanter. Laissez-moi danser, chanter en liberté. Tout l'été, laissez-moi chanter. Laissez-moi. Allez-vous jusqu'au bout de mon rêve. M'anglais. Tuesday, day after day, oui, on moi, je vis de rire et de gire, je fais comme si y avait rien à dire, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire, un grand trouble, laissez-moi chanter, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Bleu, jaune, noir et violet, gris, pailleté, coloré, métal. Couleur arc-en-ciel, couleur arc-en-lune. Oui, alors, le prochain chapitre, oui, Mohamed. Otis Redding. Quel... Otis Redding. On va mettre Otis Redding après la... Otis Redding. Comment ça? My girl is my girl. C'est ça. Oui, oui. Je vois, je vois. Mais avant, on a une partie de programme. Et Albert, qu'est-ce qu'on pense avec les programmes? On l'écoute jamais, donc ça sert à quoi qu'on enregistre, en fait? Qu'est-ce qu'il veut, le boss? Tu, qu'est-ce qu'on va, on a après ça? Micro, micro. Micro, micro. Oh, j'en étais resté à la situation de... Ah, la situation de quoi? De l'hôpital public. Je suis dégueulasse, tu vas attendre sur place. Entends niquer sujette, avec sa sucette. C'est à Mohamed avec son, ses prophéties, ses poèmes en même temps. C'est nul. Tu voulais mettre slow down, c'est ça? Ouais. On va essayer. On va essayer si on la trouve. Attends, chanteur. Oh. Ouais, on va essayer de chercher. Otis Redding, on va essayer. Attends, pour l'instant que tu cherches, on va mettre un truc là. Ok, il cherche. On va mettre pause. Et il faut que tu cherches là, regarde. Internet classique. Sinon, tu vas sur ton téléphone et on connecte ton téléphone. Bon, aujourd'hui, c'est un peu la... Ok, tu vas chercher. Tu vas chercher, c'est pas de souci. Il s'appelle. Par son nom. Mais... Alors, qu'est-ce que vous voulez mettre, Mohamed? Slow down. Ça, ça, au concert 2015. Il faut que tu me l'envoies parce que je ne peux pas part. D'accord, vous voulez prendre une photo parce que c'était joli. Non, il n'y a pas de photo. Bon, bon, ok, on va continuer. Allez, l'émission, mais c'était dit, j'ai pas si le... Faut que tu, si le cherches ton téléphone, tu l'envoies. Ah si. Mais 4 matchs exigés, autoplus. Là, ça suce. La transformation GTV de Magnum. Tu sais, elle est où? Chez les fous. Un truc super important, le jubilé de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Ça passe. Oui, mais quand même. Ah bah oui, 70 ans. Et j'ai une exclue là-dessus, c'est que moi, je suis né sur... Sur Mars, non, mais sous le règne précédent de... D'Elisabeth, son père c'était Édouard VIII, non, c'est un truc comme ça. Elle a 96 ans. Hein. Oui, mais elle n'a pas régné 96 ans. Elle a régné pendant 70 ans. Elle a passé batterie. Mais quand elle est devenue reine, j'étais déjà né. Je vais le mettre comme ça parce qu'elle a plus. Alors, pourquoi Dominique... les Français ont une fascination pour la royauté anglaise? Je ne sais pas. Les Anglais surtout, mais... Ouais. Beaucoup de Français, mais nous, on s'en est inspiré parce qu'on a un monarque élu. La monarchie. Un monarque élu. Mais aidez-moi, putain. On ne peut pas t'aider. Tu cherches un truc qu'on ne comprend pas. Un chanteur, putain, sénégalais, à cause de ce putain de coup... C'est à cause de cette séance de merde qui m'en dingue que j'avais pas trouvé. Il y a Papa Pig en Angleterre. Mettez Daraji Family. Boris Johnson, il dit qu'il est Papa Pig. Le rappeur Daraji Family. Otis Redding, le Doc of the Bay. Après tu mets ma gueule. Bronze. Il l'appelle comme ça, Paul. Oui. Le problème c'est que là on est pas, on a pas assez de réseaux pour. Il faut faire la playlist avant. Moi, j'arrête parce que, en fait... Est-ce que tu peux l'écrire sur un papier comme ça, je peux le noter. Ah mais si, on a un autre point commun avec la mine Béguet, comment il s'appelle? On aime bien aussi. La République, non, la Royal Monarchie anglaise. C'est qu'il y a quand même un parlement, et au parlement anglais... C'est quoi ça, un poème ? Il y a un micro, et ce micro, c'est celui-là. Ça m'a étonné, les trois ou quatre fois que j'ai vu des images de la monarchie, enfin non, du gouvernement anglais, ils sont tous dans une grande salle qui est l'ancêtre de tous les parlements du monde d'ailleurs. Mais et il y a un micro. Si tout à perte, je peux le chercher. Et c'est celui-là, et j'ai compris aussi pourquoi, c'est parce qu'il est très robuste. Fada Freddy. F-A-A-D-Y. Oui. Freddy, ouais, je vois, Fada Freddy. On le connaît pas, nous. Fada, vous mettez slow down. C'est quoi ce téléphone, c'est à toi? Slow down. On a Lost, Really Cut Me Like. Slow down, putain, c'est pas possible. C'est de la beat generation que tu faisais à Toulon. Comment vous pouvez travailler à la radio? Il y avait Burroughs, Kerouac, Kingsberg. Kingsberg. Ça, c'est des écrivains, mais autour, il y a aussi des artistes en musique, en peinture. Après, il y a des correspondances aussi. Il y en a énormément. En faisant ça, je me suis intéressée aussi à Antonin Artaud. Artaud, oui, c'est en France. Il est rare, même. Mais oui, mais ils ont changé les thérapies depuis. Tout ce qui fait la main. Corporellement. Allô, maître. C'est passé de copier. Elle est recopiée. Ah oui, c'était l'assistante de maître et grandir. Jumeaux, un couple uni dès la vie utérine. Pour l'instant, on nous fait des tests sur une mère. Nique ta mère et ta grand-mère. Il y a des cas comme ça en science aussi de découvertes faites par des femmes et usurpées par des hommes. Ils ont découvert ça récemment et je sais pas, j'espère que ça se produit pas encore. Really cuts me like Father Freddy. On la connaît par cœur. C'est moi. sans rancœur. C'est l'heure de la patience, là, surtout quand les connexions ne sont pas bonnes. Là, ça commence. La vie, elle fait un cadeau. Oh, d'un coup, elle t'en fait trois. La mort et la mort. I'm no more inspired to live in vain again. I feel waves of tears crashing over my chest. Breathless, I fall to the ground. Allez, vas-y, il reste combien de minutes? Mademoiselle, vas-y. Barbie, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il y a du contrat, discriminé. Le soir, couleur sombre, on n'a pas vu ton ombre. On est toujours là, on est là, Radio Metanoia, on freestyle aujourd'hui le 8 juin 2022. Et Albert, on n'a pas épuisé le programme du jour là. Qu'est-ce que. Si, justement, j'ai mentionné le jubilé d'Elisabeth II. Et après, j'ai plus rien. Attends. Ah oui, il y a. Une chanson du groupe Noir Désir. Non, Otis Redding d'abord. Mmh. Oui, oui, on a une liste d'attente là. Pourquoi ça te fait rire? Mais toi, après, en fait, c'est téléphone. Non, c'est Jean-Louis Aubert, ça, c'est sa dernière chanson. Et il faisait partie de téléphone. Oui, ouais, c'est ça. Mais tout seul aussi, c'est pas mal. Ouais. Là-bas. C'est. Alors, en fait, le titre, c'est Du bonheur. Alors, on va continuer la... Pendant que je cherche. C'est YouTube, ça. Vas-y, c'est la poème. Tous les poèmes passent d'abord. En fait, il branchera. La poésie passe d'abord. Après le texte. Après les titres. Après tout ce qu'il faut. Mais pour l'instant, on va essayer. On a Larsen, là, qui traîne un peu. C'est de la poésie, Amnos. Et Larsen, t'es où, là? Vas-y. Allô, tu connais un crime? Tu as commis aucun crime? Dominique, dis-moi le nom de ta planète. Zénon. Non. J'ai deux artistes débutants vous présenter. Presque plus rien. Tu vis, tu meurs au cerveau. C'est ton tout effacé. Ton tout effacé. My God. Bien, malsain. Ouais. Et surtout, restez accrochés au figuier. On n'avale pas sans moi. Reste là, à mes côtés. Dodo, il était avec moi à la 14. Tout se passait bien. Malgré bonne foi, mauvaise foi. Aguilera, c'est une voleuse. Dabo, 1m60, la petite blague, Elle a rien à voir dans les cigarettes. Elle est 17 euros par jour. Quand Madame Bonnefoy était en vacances, une semaine. Elle est revenue il y a 3 semaines. Je suis à la chambre 11, à cause de Monsieur Désir. Il me ferme le sas, les veilleurs de nuit. On a le droit à une cigarette. Je m'arrête là, sinon je vais tout exploser. Je vais tout brûler. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Allons à l'Élysée, brûler les lieux. Tout ce qui nous inspire et sa poésie, il nous a demandé de mettre un thème de Otis Redding. The Dog of the Day, après ma girl. My girl, Otis Redding. And it's cold outside, I've got the month of May. Oh, I guess you say what can make who me feel this way. It's my girl talking about my girl. I've got so much loving all the bees in the me. I've got a sweeter song that I can sing. The new birds in the tree. Oh, I guess you will say, ooh, what can make me feel this way? It's my girl talking about. Allô. 1, 2, 1, 2. Allô. Planète bleue. Allô. Planète bleue. Et qu'est-ce que je mets? Oui. Tu voulais chanter? Bah éventuellement, je veux bien faire écouter un petit peu de bonheur. C'est du Jean-Louis Aubert. Ça s'appelle du bonheur, tout simplement. Ouais, est-ce que tu as une connexion mini jack pour brancher? Ouais, on peut. Attends, je te passe le câble. Et voilà. Et vous venez là. Pour vous, équipe complète, Dominique qui fait le bruit, effets spéciaux, Mohamed, les prophètes, le remède, Marilla qui peint et qui va faire de la flûte, et Fanny qui découvre... Flavie Flamand. C'est pas ma maman. Tu viens la première fois à la radio, hein? Tu découvres un peu. Attends, voici. Du bonheur. Allez, c'est parti. Il y a. Tu te présentes, tu dis ton prénom et tu vas. Je t'en ferai des tonnes, je t'en ferai des tours, j'en ferai des gratte-ciels. je pouvais construire du bonheur, je ferais des grands trous et j'y mettrais tout le malheur. Avec de gros couvercles, interdiction d'ouvrir, même pour tout l'or du monde, si je pouvais détruire le malheur. Mais le bonheur, ça se construit pas en dur. Non, le bonheur, on l'a pas à l'usure. C'est un peu comme l'air pur. Il faut avoir du nez et le courage de monter, d'aimer là-haut au sommet, au sommet. Faire soi-même tout le boulot, tout le boulot. Si je pouvais construire du bonheur, t'en ferais des tas, je t'en ferais des kilos, je t'en ferais des tonnes, je t'en ferais des tours, je t'en ferais des gratte-ciels, je t'en ferais des montagnes, non j'aurais honte de rien, non j'aurais honte de rien. Mais le bonheur, ça se construit pas en dur, ça se construit pas tout court. On l'a pas à l'usure, c'est un peu comme l'air pur. Il faut avoir du nez et le courage de monter et d'aimer là-haut sommet, de faire soi-même et le gratte-ciel et le paratonnerre, de faire soi-même tout le boulot, tout le boulot. Tout le boulot, tout le boulot, tout le boulot, tout le boulot, tout le boulot, tout le boulot. Vous avez de l'épargne ? Voilà, j'ai coupé un petit peu parce que sinon, c'est un peu long, mais si ça a donné un petit peu de bonheur. Du coup, le petit message de cette chanson, c'est vraiment, putain, si on pouvait le construire, ce putain de bonheur. Hein ? C'est de faire un construit de bonheur là, tous les mercredis, à nous, si le paradis n'est pas ici, n'est nulle part. C'est ça, hein ? Alors, c'est là, le paradis, la métanoïa. Alors, Dominique, qu'est-ce que tu penses ? Quoi ? Du paradis. Qu'est-ce que j'en pense ? Oui. Que le paradis, c'est oui. Ici. Oui. Et je m'en fous. Voilà. Le paradis ici. Paradisiaque. Le paradis ici. Le paradis, c'est dans les yeux. Allez. Tiens, prends un coup de marteau. Protège ton dos et tes abdos. Pour l'instant, j'ai mal au nombril. Il me faut une fille. J'y arrive plus. La débandade. La bande à Carlos. Le tos, c'est un enfoiré. Il a trafiqué ma voiture. Et il a fait une merguez. Les merguez, les gaufres, c'est vraiment. Une merguez, c'est une voiture volée, replaquée. Une gaufre, c'est la même. C'est facile de mettre dérivé. Moi, je te mets dérivé. Tourne jusqu'à 10. Viens démonter ma plaque. Tu vas la couper en morceaux. Oh, Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed, Mohamed. Quelle poésie, hein, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait, la poésie, c'est ça, hein. Est-ce que ce monde a une place pour la poésie ? C'est ça, le truc. Oui, on a 8 minutes. Tu peux y aller, Mohamed, si tu veux. Hein. Mais c'est super, hein. Merci beaucoup. Tous les mercredis. Je vous en prie, maître. Maître Simon, Raymond, il me manque. Il est en Belgique. J'espère qu'il fait pas le con. C'est pas un salaud. C'est un salopard. Ni un connard. C'est un chinois. Il habite aux Esselies, au 7e étage. On habite au 4e. Le couloir, on jouait au tennis. Il y avait 5 chambres. Ils ont tout détruit. Sors pas, Bondy Nord. Prends la marche arrière. Et sors en naissante. Toute la semaine, moi, je pense que c'était ta manière de construire le poème, tu sais, le texte. C'est... Ah oui, tu prends des revues comme ça et tu pars de ça. Comment tu fais un poème? Tu le fais comment? Tu écris, ça te vient tout seul? On va improviser dans la vie. Oui? Attends, déjà. La vie du quotidien, c'est pas la nôtre. C'est les autres, les espions. Si tu es là, lève-toi. Tu veux prendre un micro là parce que sinon on comprend pas. Non, c'est la fin, je dois descendre. Tellement. Je suis désolé. C'est l'heure de ton traitement ? Il est 54. Non, si. Tu as l'heure alors ? J'aime pas le 55. Tu veux pas 55 ? Je préfère Van, le Morbihan. Ah, c'est les districts parisiens, enfin, districts français. Oui, Paris 18e. Il y a Rocket Squad qui habite à la Tour. Il a déménagé. Il a acheté une villa. Cassel, c'est la même famille. C'est son petit frère. À Rockin' Squat. Assassin. Merci, merci, merci, merci, merci, merci. Bon, alors. Oui, je cherche. Là, non, non, là, il y a une. Noir Désir. Enfin, c'est le dernier album. Non, pas Noir Désir. Blanc et noir, l'histoire est à revoir. Pas Noir Désir. Ah, non, oh, oh, oh. Noir Désir, c'est le dernier album. Non, je m'en fous de son dernier album. Mettez-moi le doc enlevé. Il va siffler à la fin. S'il vous plaît, maître. Il reste 3 minutes. Oui, mais. C'est pas ta flûte. Mais il avait, c'est vrai qu'il avait demandé ça, Noir Désir, ça fait longtemps. Oui, mettez-moi le doc enlevé. Et je m'en vais. Bon, on va faire rapidement le thème de Mohamed, qui doit partir prendre ce médoc là dans 2 secondes. Là, il est moins 5. C'est ça, hein? Ils sont en train de préparer les médicaments. Après, il y a le chef à 18h20. Mais, et après, on va essayer de rebondir sur l'autre thème, mais... Attends, mais j'ai pas les câbles. Tu peux me passer les câbles? C'est pénalement en même temps. J'ai pas mon téléphone, je suis pas à l'ouest. En son, I'll be sitting in the evening car. Il va siffler. Écoutez bien. Watching the ships roll in. Then I watch them roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Ça sert plus la vigne. Oui. Bon. On a encore 3 minutes. Est-ce qu'il y a un message à passer Il n'y a pas de la flûte, il y a M. Serra. Celui-là qui touche à la justice, ouais. Je viens avec mon carré. Ok. Mohamed le prophète. Le remède. Fali, tu veux fermer la séance aujourd'hui? Oui, je ne sais pas chanter. Tu peux parler, chanter. Ok, on a 2 minutes sur les ondes FM. Qui veut dire quelque chose avant qu'on parte? Qu'est-ce qu'on prépare? La semaine prochaine, on va essayer de faire le bois de Vendy. Et parce qu'il y a une activité qui se fait le mercredi, là, sur le bois. Donc on va essayer d'aller... Non, adulte. C'est à côté, le bois, là. On va essayer. Il faut s'organiser avec les groupes, là. Il y a quelqu'un qui nous accompagne, là. Et on va essayer de faire l'émission là-bas. On va essayer. Dehors. Ouais. Excellent. On va essayer s'il ne pleut pas, tout ça. On va. Peu à peu, j'ai envie qu'on sorte ici, tu vois, qu'on aille plus dans la ville, plus dans la salle. Oui. Ici, ça va être un peu notre foyer, mais on va aller dans la ville, dans les murs, dans la vie, à passer notre message. Voilà. Métanoïac. Dominique, vas-y. Une minute pour te bruit. Debout, assis. Continue à de rester debout et assieds-toi en même temps. Bon, vous avez bien rigolé. C'était bien. Dans les yeux des femmes, dans la Marie-Jeanne, dans la technocité, I'm lost pour manipuler. Grand combat de chair, I'm lost, colline enflammée, I'm lost, dans l'ombre ou la lumière, I'm lost pour l'halluciner, pour courir ventre à terre, brouillard et fumée, consommé. Cracher de l'air dans le dérisoire, I'm lost dans les accessoires, I'm lost dans le feu des possibles, au cœur de la cible, dans la paranoïa, dans la schizophrénia, un maniaque opéra, I'm lost, pharmacopéra, I'm lost, but I'm not stranded yet, lost, but I'm not stranded.